Vous écoutez donc Futur Simple sur CKRL au 89,1 et François, qui est très curieux et qui aime beaucoup fureter sur les sites de nouvelles scientifiques, mais il est allé pêcher hier ce qui s'est dit hier, le 1er décembre, c'était la journée internationale sur le sida. Donc, comme à chaque année, les organismes internationaux publient des données sur l'état de la situation. Donc, François, tu vas nous faire le point sur le sida. Oui, effectivement. Alors, d'après le rapport annuel publié par l'ONU Sida, le nombre de nouvelles infections par le VIH à l'échelle mondiale a baissé de 19 % depuis 1999 pour atteindre 2,6 millions en 2009. Alors, Valérie, c'est une excellente nouvelle. En fait, la lutte contre la propagation du VIH est beaucoup plus efficace que celle contre les changements climatiques. Belle remarque. Oui, c'est un fait. Alors, je rappelle que 1999 est l'année où l'épidémie a atteint son apogée. Depuis l'apparition de la maladie au début des années 80, environ 30 millions de personnes sont mortes du sida et 60 millions auraient été contaminées. Ces données ont été établies par l'ONU Sida en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Selon Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU Sida, 56 pays ont stabilisé ou réduit de façon significative le nombre de nouvelles infections grâce aux efforts de prévention et de traitement. Il a de plus salué les propos de Benoît XVI, qui a admis l'usage du préservatif, entre guillemets, dans certains cas, jugeant que cette annonce est significative et positive, en particulier pour les pays comme le Brésil, par exemple. Monsieur Sidibé croit que l'évidence scientifique de l'efficacité du préservatif ne suffit pas pour engendrer un changement social. Selon lui, il est indispensable d'avoir l'accord de l'autorité morale, celle du pape et des chefs de la religion musulmane. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a aussi des progrès concernant l'accès au traitement? Pour l'ONU Sida, en fait, l'élargissement de l'accès au traitement est également un signe de progrès. En 2009, 5,2 millions de personnes vivant dans des pays à faible revenu, en fait, qui étaient aussi atteintes par le virus, avaient accès au traitement antirétroviral comparativement à 700 000 en 2004. Donc, c'est une nette amélioration. Cependant, M. Sidibé déplore que la croissance des investissements dans la lutte contre le sida a ralenti pour la première fois en 2009 avec la somme de 15,9 milliards de dollars. En 2010, il manque 10 milliards des quelques 26 milliards qui seraient nécessaires pour couvrir les besoins. C'est une grosse proportion, ça, hein? 10 milliards sur 26 milliards. Oui, c'est un gros montant, effectivement. Ouais. Alors que, dans le fond, les pays européens réduisent leur aide financière, oui, Michel Sidibé a appelé les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil à accroître, eux, leur soutien. Alors, il a également encouragé les pays africains à ne plus compter uniquement sur l'aide internationale en développant leurs propres ressources, comme l'a fait, l'Afrique du Sud. Alors, par région, l'Afrique subsaharienne demeure la plus touchée avec 67 % de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH et près de 72 % des décès liés au sida en 2009. Ah oui. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. C'est là que ça se passe, effectivement. En Asie, l'épidémie demeure stable, grâce notamment aux efforts de prévention et de transmission mère-enfant. Mm-hmm. Et maintenant, est-ce qu'il y a des avancées scientifiques pour réduire la propagation du virus? Parce que là, on parle des traitements, quand on est atteint, mais pour réduire la propagation du virus. Bien, en ce qui concerne la prévention, des progrès marqués sont imminents grâce aux essais d'un nouveau gel microbicide réalisé au centre Caprisa en Afrique du Sud et dont les résultats ont été publiés à Vienne en juillet, à l'occasion de la 18e conférence mondiale sur le sida. Alors, ces essais laissent espérer la mise au point d'un nouvel outil pour ralentir la progression de l'épidémie et suscitent de l'espoir, pour toutes les générations de femmes. Oui, mais il faudra aussi qu'elles aient accès à ce médicament, à ce gel, puis qu'elles sachent l'utiliser. Donc, j'imagine que ça va encore prendre un petit peu de temps. Et qu'il y a des ressources aussi là-bas pour expliquer tout ça aux gens. Oui, c'est ça, exactement. Que ça se rende partout dans les coins, dans les campagnes de l'Afrique subsaharienne, là, où c'est principalement là que ça se passe. Ouais. Mais c'est quand même une nouvelle lueur d'espoir. Oui, effectivement. Alors, merci François de l'avoir partagé et aussi de nous avoir donné ces dernières données. C'est une dernière statistique sur le sida. Alors, si on faisait une petite pause maintenant, une petite pause musicale pour revenir à une ambiance un petit peu plus heureuse tout de même, donc une pause musicale sur CKRL au 89,1.